الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et une explication du Sheikh Sal et du Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué combien de hadiths ? Deux hadiths. Le hadith 172 et le hadith 173 qui se portent volontaires pour les réciter. Qui ? Munir, tfaddal. على الذكر ساعا من تمر او ساعا من شعير قال فعدل الناس به نصف ساعة من بر وفي لفظ البخاري ومسلم على من؟ على الصغير والكبير. نعم، رواه البخاري ومسلم. وفي اللفظ أن تؤدى قبل أحسنت. وهذا لفظ من؟ أحسنت. بارك الله فيك. Le 173e hadith, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, qui nous le récite. Mustafa. Personne? Munir? Vous connaissez la règle, hein? S'il n'y en a pas un qui connaît le hadith, on ne fait pas le cours. Non. Je l'avais dit ça ou pas? Si, je l'ai dit. S'il n'y en a pas au moins un qui connaît les hadiths qu'on a expliqué la semaine dernière, il n'y a pas lieu de continuer. Parce que ce qui est appris par cœur est ce qui reste. J'ai beau écouter 200 cours, on a expliqué, combien on a expliqué de hadith ? 173. Les hadiths qui n'ont pas été appris par cœur, c'est quasiment une science qui est partie. Si tu ne l'as pas écrit, et si tu ne l'as pas révisé et appris, c'est une science qui a disparu. Naam, fadalakh. من طعام أو صاع أقط أو صاع من زبيب. نعم. فلما جاء السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. نعم. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه أحسنت بارك الله فيك. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام. Donc là on entame le chapitre 2 du jeûne. أصله في اللغة الإمساك وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والصيام من أفضل العبادات، لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه، ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه، ولأنه سر بين الرب وبين عبده، فهو من أعظم الأمانات. أما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك. Donc le chapitre du jeûne. Dans la langue arabe, الصيام signifie l'abstention, الإمساك. وفي الشرع et en islam, c'est le fait de s'abstenir de ce qui annule le jeûne avec l'intention, ceci du de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc en islam, la définition du siyam, du jeûne, c'est de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Min aklin wa shurbin, le fait de boire, de manger, d'avoir des rapports avec son épouse. Ma'anniya, avec l'intention de jeûner, c'est-à-dire de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci de l'apparition de l'aube jusqu'à le coucher du soleil. Et le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Le jeûne fait partie des adorations les plus méritoires, car c'est une adoration qui réunit les trois formes d'endurance et de patience. La patience dans l'obéissance d'Allah, la patience vis-à-vis de la désobéissance d'Allah, et la patience dans les décrets d'Allah contraignants. Et parce qu'Allah Azza wa Jal a attribué le jeûne à lui-même. Ici, il fait référence au hadith du prophète sallam, as-sawmu, le hadith qudusi, as-sawmu li, le jeûne m'appartient. وَوَعَدَ بِالْجَزَاءِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ سُبْحَانَهِ. Et Allah a promis une récompense de sa part. Il fait aussi référence au hadith du prophète sallam, أَصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Parce que le jeûne est un secret entre le Seigneur et son serviteur. Il fait partie des plus importants des dépôts. Quant à la sagesse, أَمَّا حِكَمُهُ وَأَسْرَارُهُ, quant à ses sagesses et à ses secrets, une aussi courte introduction ne peut expliquer tout cela. وإنما أشير إلى قليل من كثير ليعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه فيزداد إيمانا ويقينا في وقت تزعزعت فيه العقائد وتضعضع فيه الإيمان فإن لله وإنا إليه راجعون. ف فمن تلك الحكم السامية عبادة الله والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة، فإن القوة تغري بالطغيان والبطر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمة، فيستكين لربه ويلين لخلقه. ومنها حكم اجتماعية، من اجتماعهم على عبادة واحدة في وقت واحد، وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها بما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ولم كلمتهم. وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات، كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا، حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ، فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله، فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد، ويحل محلها المحبة والوئام، وبهذا يتم السلم بين الطبقات. ومنها حكم أخلاقية تربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل، ويقوي العزيمة والإرادة، ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. ومنها حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، ولابد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه. هذه نبذ يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره، واستقصاء ما يحيط به العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة، وفضلا عما لا يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة. Donc ici, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit que concernant les sagesses et les secrets du jeûne, ce n'est pas dans une introduction aussi courte que tout peut être expliqué. Puis il dit, rahimahullah, je me contenterai de faire la lumière sur le peu du beaucoup, c'est-à-dire sur quelques sagesse parmi les nombreuses sagesses du jeûne, afin que le lecteur prenne connaissance d'une partie des secrets d'Allah dans sa législation, afin que sa foi et sa certitude augmentent. Ceci dans une époque dans laquelle les croyances sont déstabilisés et dans lequel la foi est ébranlée. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Parmi ces sagesses, il y a l'adoration d'Allah et le fait de s'humilier devant lui, afin que le jeûneur retourne vers Allah en toute humilité, au moment où il reniera et combattra le pouvoir de ses passions. Car la force dupe la personne et l'amène à outrepasser les limites. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal en sourate Al-Alaq, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Ainsi, en jeûnant, la personne se rend compte de sa faiblesse et de son besoin devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il n'est pas pris par orgueil et ne se sent pas élevé, il devient alors, il a alors pris d'humilité devant son Seigneur. Parmi les sagesses du jeune, il y a la sagesse sociale. Le fait que les musulmans se réunissent en accomplissant une seule adoration, au même moment, ils patientent tous ensemble, les forts parmi eux comme les faibles, ceux qui sont nobles comme ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont riches comme ceux qui sont pauvres. Ils sont tous sur le même piédestal vis-à-vis du jeûne et du fait de le supporter, ce qui amène à ce que leurs cœurs se réunissent et que leurs paroles s'unissent. Il n'y a pas plus fort que cette volonté que aucune force ne peut atteindre, aucune force prétendue ne peut atteindre, c'est-à-dire parmi les forces mondaines. Également, le jeûne fait en sorte que les musulmans soient doux les uns les autres et soient miséricordieux les uns les autres. Lorsque le riche ressent la difficulté de la faim et la dureté de la soif, il se rappelle alors que son frère pauvre souffre de cela durant le reste de l'année. Ainsi, il devient généreux envers lui et donne aux pauvres des biens de son argent. Ceci enlève les rancunes et les jalousies. Rancune de qui ? Envers qui ? Du pauvre envers le riche, car en général, les pauvres sont rancuniers envers les riches, car ils s'estiment démunis et ils savent très bien que les riches ont les moyens de les aider, mais ne le font pas. Donc ils sont pris par un sentiment de rancune et parfois un sentiment de jalousie. Et le fait que le riche donne aux pauvres, eh bien, enlève ce sentiment. Et ce sentiment de rancune et de jalousie est transformé par un sentiment d'amour et walwi'am et de réconciliation. Ainsi, par le jeûne a lieu la paix entre les différentes couches sociales. Parmi les sagesses du jeûne, c'est la paix entre les différentes couches sociales. Parmi les sagesses également, des sagesses en rapport avec l'éducation et le comportement. Le jeûne enseigne le fait de patienter et de prendre sur soi. Le jeûne permet également de renforcer la volonté de la personne. Et l'entraîne à subir des situations difficiles. Parmi les sagesses également du jeûne, il y a la sagesse liée à la santé. Car l'estomac est, comme l'a dit Cheikh Al-Bassam, si on traduit littéralement, l'estomac est la maison des maladies. Et le régime est la tête des remèdes. L'estomac est la maison des maladies. Et al-himyah, qui est la diète ou le régime, est la tête des remèdes. Et l'estomac a besoin de prendre un moment de repos après une fatigue lié au fait que la nourriture soit accumulée, se soit accumulée dans cet estomac qui sans cesse travaille à traiter ces aliments. Ceci sont quelques sagesses d'Allah Azza wa Jal liées au jeûne, et le fait de tout citer de ce que peut relever la raison humaine demanderait de nombreux ouvrages uniquement dédiés à cela. Ceci, bien sûr, sans compter les sagesses qui ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف الحديث الرابع والسبعون بعد المئة. Puis l'auteur cite le 174e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ne précédez pas le ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. رواه البخاري ومسلم. الغريب لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف تاء المضارعة لأن أصله لا تتقدموا. Les termes qui méritent explication, لا تقدموا, ne précédez pas. La taqaddamu, le ta a été enlevé, car à la base c'est la tataqaddamu. Ne précédez pas. Al-ma'na al-ijmaliyu, al-shari'u al-hakim, yuridu al-tamyiza bayna al-ibadati wal-aadat, wa yuridu an yumayiza bayna furud al-ibadati wa nawafiliha, liyahsul al-farqu bayna hadha wa dhak. Litha, فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان إلا من كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزمه فليصومه لأنه تعلق بسببه بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة. الله عز وجل veut différencier entre les adorations et les traditions, mais également différencier entre les obligations et les actes surérogatoires, afin que la distinction soit faite. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de précéder le mois du ramadan en jeûnant un jour ou deux. C'est-à-dire, il est interdit de jeûner un jour ou deux avant le ramadan, afin que le musulman soit pleinement prêt à jeûner le mois du ramadan. Sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner, comme de jeûner le jeudi ou le lundi, ou celui qui doit rattraper un jeûne et qui n'a pas pu le faire auparavant, donc il n'avait d'autre choix que de rattraper ce jeûne un jour ou deux avant le mois du ramadan, ou celui qui jeûne suite à un vœu, et ainsi ce jeûne est devenu obligatoire. Tout ceci sont des jeûnes qui ont une cause, contrairement aux jeûnes surérogatoires, purement surérogatoires. Le moins que l'on puisse dire quant à un jeûne purement surérogatoire qui serait fait un jour ou deux avant le mois du ramadan, le moins que l'on puisse dire est qu'il est détestable. ما يؤخذ من الحديث النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction de précéder le jeûne du mois du Ramadan par en jeûnant un jour ou deux. ثانيا الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين. Deuxièmement, la dérogation faite dans cela concernant celui qui a l'habitude de jeûner comme celui qui jeûne le jeudi et le lundi. ثالثا من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة ليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به. Troisièmement, parmi la sagesse de cela et la science appartient à Allah. La sagesse de l'interdiction de jeûner un ou deux jours avant le mois du Ramadan. C'est la sagesse, et Allah est le plus savant, est de différencier entre les adorations obligatoires et surérogatoires. Parmi les sagesses également, le fait de se préparer au Ramadan en ayant toute sa force et toute sa volonté, afin que le jeûne soit l'emblème de ce mois béni. ثم قال الحديث الخامس والسبعون بعد المئة. Le 175e hadith. Et le 175e hadith, on le fera la semaine prochaine, inshallah ta'ala, car on risque de tarder si l'on entame. On s'arrête donc ici, inshallah ta'ala, et on continuera la semaine prochaine. Barakallahu fikum. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.